Renaud de Motte est juriste au CIRES, Service international de recherche, d'éducation et d'action sociale. Il était interviewé en juillet 2010 à propos du processus de régularisation ponctuelle en cours depuis un an en Belgique. Renaud de Motte est juriste au CIRES, Service international de recherche, d'éducation et d'action sociale. Il était interviewé en juillet 2010 à propos du processus de régularisation ponctuelle en cours depuis un an en Belgique. Donc, je m'appelle Renaud de Motte, je suis juriste au CIRES et donc j'ai participé activement à la campagne de régularisation l'année passée. On a donc introduit un certain nombre de dossiers, on a été assailli pendant 4-5 mois dès la sortie des instructions. Et donc jusqu'à présent on assure encore le suivi de cette campagne qui a déjà vu pas mal de décisions aboutir et bon, il en manque encore un certain nombre. La majorité en fait. Proportionnellement par rapport aux dossiers qui sont rentrés, tu saurais dire un peu combien de... Non, je ne saurais pas très bien dire parce qu'il y a des décisions par rapport auxquelles on n'est pas tenu au courant. Généralement, l'Office des étrangers nous signale quand il y a une décision ou bien les personnes concernées nous font un retour. Je dirais que personnellement, il y a peut-être un cinquième des demandes que j'ai introduites qui ont reçu une réponse. Et encore, je pense que c'est assez largement estimé. Les réponses qu'il y a eu, c'est que des réponses positives. Vous n'êtes pas au courant des réponses négatives? Oui. Donc c'est principalement, enfin quasiment pour toutes des décisions positives. Il y a des petites nuances évidemment. Il y en a certaines qui ne sont pas aussi positives que ce qu'on pouvait l'espérer, qui donnent lieu à un séjour temporaire plutôt qu'illimité par exemple. Des choses de ce style. Mais sur le fond, c'est jusqu'à présent tout est positif. Moi, j'ai pas encore reçu de réponse négative. Et alors, est-ce qu'on arrive à comprendre comment ça se fait qu'il y ait certains qui ont déjà leur réponse, d'autres qui n'ont pas la réponse? Est-ce que ça répond à, par exemple, l'ordre d'entrée des dossiers ou des critères un peu particuliers ou pas du tout? Non, moi j'ai pas encore réussi à comprendre la logique. Ils avaient, dans un premier temps, dit qu'ils allaient traiter les dossiers dans l'ordre d'arrivée. Donc c'est vrai que les premières réponses qu'on a eues, c'était des dossiers qui étaient en cours depuis 2002, 2003, donc des demandes en cours de régularisation depuis 2003, par exemple. Il faut aussi dire que l'arrivée du dossier à l'Office des étrangers dépend du travail qui est effectué par la commune. Et donc, par exemple, il y a des communes qui prennent énormément de temps. Il paraît qu'il y a encore 5000 dossiers bloqués à Anvers. Anvers, on comprend pourquoi. Les communes de Bruxelles et d'Anderlecht, par exemple, sont aussi réputées difficiles parce que tout simplement il y a beaucoup d'étrangers qui ont fait des demandes et donc les services communaux et de police sont débordés et donc voilà, ça prend un certain temps. Donc c'est en fonction de l'arrivée du dossier à l'Office des étrangers et pas nécessairement en fonction de l'introduction du dossier à la commune. Récemment, j'ai entendu dire qu'ils traitaient les dossiers par priorité aussi. Et donc pour les personnes notamment qui travaillent, qui sont déjà en séjour légal mais temporaire et qui ont un travail, celles-là devraient pouvoir se voir obtenir une réponse positive plus rapidement. À part ça, on n'est pas... Enfin, moi, je comprends pas très bien comment ils travaillent. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont reçu des milliers de demandes et donc ils peuvent pas les traiter en un coup. Donc voilà, forcément, ça prend son temps. Au début, je trouvais que ça allait assez vite. Maintenant, je crois que la cadence s'est ralentie un peu. Mais ils n'ont aucune obligation de justifier de quoi que ce soit, de leur méthode, des critères selon lesquels ils travaillent? Au niveau du traitement, non, absolument pas. Mais ils ont l'habitude de travailler de manière très peu transparente, il est extrêmement difficile de les joindre. Ils ont restreint de plus en plus l'accès au helpdesk via lequel on peut avoir des informations sur les dossiers. Les informations maintenant c'est limite à on a reçu le dossier en date de, il est impossible de joindre le gestionnaire du dossier puisque déjà on ne le connaît pas, donc c'est très difficile de savoir exactement comment ça se passe. Mais là ça fait quand même déjà un an qu'il y a des gens qui ont introduit leur demande et qu'ils attendent, donc c'est des délais et visiblement quand la décision de l'Office étranger est négative, ils ne le notifient pas, donc les personnes pourraient attendre pendant des années en ayant l'impression que leur dossier n'est pas encore traité. Oui, c'est pour ça qu'il faut se renseigner maintenant. Normalement la décision négative doit être notifiée, elle est envoyée sous forme d'instruction à la commune et la commune doit notifier cette décision, doit convoquer la personne et lui remettre. Est-ce qu'on peut parler maintenant de la commission consultative? Parce qu'il y a une partie des dossiers qui vont être directement traités par l'Office des étrangers et une partie, je ne sais pas laquelle, qui serait traitée par une autre commission composée d'acteurs associatifs, je crois. Oui, en fait, les demandes sont traitées par l'Office des étrangers. Ça dépend de la demande, évidemment, mais celle qui se base sur l'ancrage local durable, donc qui invoque l'intégration des demandeurs, sont examinées par l'Office des étrangers qui, s'il estime que l'ancrage local durable n'est pas suffisant, les dossiers sont transmis alors au secrétaire d'État. Et c'est le secrétaire d'État qui choisit si, oui ou non, le dossier peut être transmis, soumis à l'avis de la Commission consultative des étrangers. Cette commission a été renouvelée récemment, suite à un appel à la candidature de l'Office. Et en fait, elle est composée de 3 membres, un magistrat qui préside, un avocat et un membre d'une ONG ou une association. Par exemple, nous, on en fait partie aussi. Mais pour le moment, elle n'a pas encore commencé à fonctionner. On a eu une réunion il y a 2 semaines maintenant avec l'Office des étrangers qui, pour un peu faire le point sur le fonctionnement de cette commission. Il semblerait qu'elle va commencer à fonctionner en septembre. On n'a pas vraiment d'idée du nombre de dossiers qui seront soumis. Je pense que l'Office des étrangers avait parlé d'une 100aine de dossiers qui avaient été transmis au secrétaire d'État, qui en a déjà renvoyé une certaine partie à l'Office des étrangers en estimant que l'ancrage local durable avait été correctement démontré. Donc c'est une décision du politique de soumettre cette demande à la Commission, et la Commission ne pourra juger que sur les 3 éléments de l'ancrage local durable, c'est-à-dire le travail, les liens sociaux et la connaissance d'une langue nationale. Il y a eu pas mal de discussions, enfin en tout cas une volonté des associations de pouvoir soumettre aussi les questions de tentative crédit pour obtenir un séjour légal, par exemple, à la Commission, ou la question d'ordre public aussi. Mais ça, donc, ça a été exclu de la compétence de la Commission. Donc, il doit vraiment, en principe, se baser uniquement sur ces 3 éléments-là. Est-ce qu'ils ont donné une date butoir, une date limite à laquelle les gens pourraient se dire « Ah, c'est bon, maintenant c'est fini, je l'ai ou je l'ai pas je... » Non, vraiment pas. Ouais, c'est ça tout le problème de la régularisation et qui existait déjà avant. Hein, des dossiers qui peuvent traîner pendant des années. Ils ont parlé de 10 000 dossiers traités déjà. Moi, ici, on ne les a pas trop sentis. Enfin, en tout cas, moi, je ne les ai pas trop sentis passer. Mais voilà, il paraîtrait que ça avance. Mais à partir du moment où il y en a encore qui se situent au niveau de la commune, ben, on peut se dire que ça va encore durer un certain temps. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'échéance. Et les personnes qui ont posé leur dossier, dans ces cas-là, elles sont toujours dans une condition très précaire, sans aucune... Oui. Donc, ils restent en situation irrégulière, clairement. Donc, ils restent démunis de tout droit. La seule chose qu'ils ont, c'est la preuve qu'ils ont introduit une demande. Et donc, en principe, ils ne peuvent pas faire l'objet d'une expulsion. Mais on peut tout à fait imaginer qu'une personne puisse être arrêtée parce que travaillant au noir, enfermée en centre fermé, et du coup que l'Office des étrangers accélère le traitement de la demande qui pourrait s'avérer négative. Il y a eu des couacs, et on a déjà rencontré en centre fermé des personnes qui avaient introduit une demande. Mais en tout cas, normalement, pour les personnes qui rentraient dans les conditions de base, il ne devrait pas trop y avoir d'inquiétude. Voilà, et alors... En principe, on a eu l'assurance de l'Office étranger que les instructions n'allaient pas être remises en question, ni administrativement, ni politiquement d'ailleurs, si un nouveau gouvernement finissait par être composé et mal composé, normalement ça devrait quand même suivre son cours. Normalement, ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune obligation légale, ni aucune obligation de... Que cette régularisation continue si jamais une décision ministérielle venait à l'encontre de ça? En principe, non. Il n'y a jamais d'obligation de régulariser des personnes. C'est bien pour ça qu'ils ont pris une instruction et pas une loi. Mais dans la mesure d'un nouveau gouvernement, est-ce que le nouveau ministre de l'Intérieur ou de l'Immigration pourrait dire on annule tout, on annule cette régularisation en cours? Oui. Tout à fait, mais en sachant que de nouveau, revenir sur ces instructions et donc décider en un coup de ne plus régulariser des personnes qui pourtant se trouvent dans la même situation que les personnes qui ont déjà été régularisées, c'est-à-dire qui ont le même genre de situation et qui ont introduit leur dossier en même temps, il en résulterait un traitement discriminatoire. Et donc, en vertu du principe d'égalité et de non-discrimination, on voit mal comment ça pourrait arriver. En tout cas, c'est l'Office des étrangers lui-même qui nous le dit. Donc, bon, on verra, mais... La situation avant était la même, et sans que ça puisse déranger un quelconque politique, donc on peut imaginer que ça pourrait revenir à ce stade-là sans aucun problème. Oui, oui, c'est clair, et c'est tout le problème de cette instruction, justement, qui n'assure aucune sécurité juridique. Bon, on va pas préjuger de l'avenir, mais on a eu suffisamment d'assurance de part et d'autre que ça allait pas se passer négativement. On verra, c'est clair que je peux pas... C'est toujours des assurances orales, quoi, de la parole. Ouais. Il paraît que la NVA a aussi officieusement affirmé qu'ils allaient pas mettre des bâtons dans les roues de cette régularisation, qu'ils n'étaient pas demandeurs du portefeuille. Ce qui est clair aussi, c'est que l'immigration n'est plus, contrairement à il y a 2-3 ans, n'est plus un sujet chaud, Enfin, en tout cas, on n'en parle plus autant qu'avant. Il y a d'autres priorités. Je ne crois pas qu'on va revenir là-dessus. Qu'est-ce que vont faire les personnes qui ne rentraient pas dans les critères définis ou qui vont être déboutées par l'Office des étrangers pour cette régularisation-là? Quelles sont les perspectives pour vivre en Belgique dans ce cas-là? C'est une bonne question. C'est juste une question de perspective. L'idée de certains partis... qui relaye celle des organisations, c'est quand même d'avoir des critères clairs, permanents et fixés par une loi ou un texte réglementaire pour la régularisation. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui n'est pas le cas, donc ce qu'on a pour le moment, c'est une loi qui confie un pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire au ministre, qui délègue ce pouvoir à l'Office des étrangers. Donc la loi ne donne aucune condition pour obtenir une régularisation, aucun critère. Et donc pour les personnes qui ne rentrent pas dans ces critères, il faut craindre le pire, je pense. Il n'y a pas de possibilité de vivre en Belgique sans obtenir une quelconque régularisation, de vivre correctement. Non, il y a des... Ouais, vous connaissez la situation des sans-papiers comme moi, c'est la galère, mais ça peut être la galère pendant des années, ça peut être aussi une situation relativement... stable et tranquille pendant toutes ces années. Il y a des gens qui font une famille, qui vivent sans être inquiétés, et puis jusqu'au jour où ils le sont inquiétés. Donc ça, c'est clairement un problème. Personnellement, moi, je vois pas d'issue. Le contexte est vraiment pas favorable à ce qu'il y ait une loi ou un arrêté royal qui sorte en fixant des critères de régularisation. À moins que on change vraiment d'optique en Belgique et qu'on commence à se dire qu'une politique active d'immigration peut être bénéfique ou enfin peut avoir une certaine utilité, mais ça voudra toujours dire qu'il y aura des exclusions, donc et des exclusions, ça c'est clair qu'il y en aura toujours. Déjà les politiques ne sont pas favorables à cette régularisation parce que ça veut dire qu'on fait table rase pour les personnes qui ont entre guillemets violé la loi. Donc qui sont entrés illégalement sur le territoire ou qui ont prolongé leur séjour au-delà du terme fixé. Donc c'est un encouragement à la création de situations irrégulières, ce qui théoriquement ne peut pas être justifié par le politique. Et s'ils créent des canaux légaux d'immigration, enfin, ça va de pair avec un durcissement du contrôle aux frontières, notamment dans le cadre de Frontex et de l'Europe. Et donc je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. Bon, c'est une question hyper complexe. J'imagine que le No Border peut essayer de contribuer utilement au débat, mais je pense qu'il y aura toujours un tiraillement entre cette possibilité de légaliser des voies d'accès au séjour, au territoire et au séjour, et du coup la volonté de renforcer les contrôles aux frontières et de durcir aussi d'un autre côté les conditions d'accès. Donc c'est... Donc en fait, les politiques voudraient simplement bloquer au maximum les frontières et garder cette population irrégulière le plus silencieuse possible, ce qui est difficile à imaginer. Oui, je ne sais pas très bien, j'ai du mal à me mettre à leur place. mais je pense que c'est vraiment un débat qui est difficile à résoudre. Même au sein d'une association comme la nôtre, je ne pense pas que tout le monde serait d'accord sur les solutions à apporter au problème. On travaille clairement dans l'intérêt des étrangers et c'est clair qu'on essaye de trouver toujours les solutions à apporter aux situations des gens. Mais si on devait définir une politique migratoire ou décider de l'abolition des frontières, je ne sais pas si tout le monde serait d'accord et comment on procéderait. Donc, alors qu'a priori, oui, on est tous pour la régularisation des sans-papiers, évidemment. Pour la libre circulation, l'égalité des droits pour tous, contre la militarisation des frontières, l'Europe forteresse. Venez au camp No Border à Bruxelles, du 25 septembre au 3 octobre 2010. Toutes les informations sur noborderbxl.eu.org.